parler de vélo. Parce que ça s'en vient bientôt, là, le mois de février est pogné, on a un gros mois de fin, le mois de janvier est terminé, donc on va commencer tranquillement pour vite à parler du printemps. On va parler avec le maire de l'Adoré, puisque le Toit du Lac nous annonce ce matin, sur la plume de Louis Potvin, qu'après 2 ans de retard, ben, il y aura la piste cyclable entre Saint-Félicien et l'Adoré va voir le jour. On va parler avec Yannick Bergeron. Salut Yannick! Bonjour. Yannick, nouvelle de l'Étoile du Lac de ce matin. Donc, c'était 2 ans de retard. Pourquoi ça a pris 2 ans, hein? Ben, il y a eu beaucoup de choses qu'il a fallu refaire là, au niveau du tracé. Il y avait des demandes au niveau du ministère des Transports qui tardaient à venir, des recommandations. C'est un peu là, ce qui a fait la différence. Au départ, dans la première année qu'on avait poussé le projet, on a eu des contraintes au niveau de la CPTAQ. Il y a eu plusieurs imbroglios là, durant le processus, si on peut se dire. OK, 1,7 million pour concrétiser le projet. La ville de Saint-Félicien qui a adopté ce projet-là. Il manque certains montants. Est-ce que la Dorée en donne là-dedans? Oui, l'Adoré en donne. On a un chèque qui vient directement du PMVI de OK. Hydro-Québec. Il y a de l'argent qui vient aussi de la MRC. Le montant total, là, le financement, il est tout comblé. Ça, il est tout comblé, mais il y avait 1,1 million, je crois, si je ne me trompe pas, là, qui venait du provincial, 1,150 000, puis le reste là, venait des municipalités. OK. Donc, dis-moi, les 540 000 qui manquent, c'est ça, c'est la MRC Domaine du Roi. Donc, tu es le préfet, je pense, qui va combler le déficit, c'est ça? Ben, c'est la MRC et les deux municipalités dans le OK. projet, là, soit Saint-Félicien et la Dorée. Est-ce que le ministère du Tourisme a été sollicité? Parce que, veut pas, là, on doit viser, j'imagine, le tourisme aussi. Non, non, c'est Non? vraiment les deux municipalités ensemble. C'est une piste cyclable municipale qui se met Ah, en place. OK. On n'a même pas, on n'a pas de lien non plus avec la Vélo des Bleuets pour l'instant. OK. Donc, pour l'instant, j'imagine que vous allez les approcher, c'est ça? Ben, peut-être dans un avenir plus lointain, là, mais pour l'instant, il y en est pas question là, parce qu'on fait pas partie du circuit de la véloroute OK. et on rencontre pas les exigences de la véloroute elle-même, là. Puis il y avait beaucoup trop de complications en ce moment pour qu'on puisse en faire partie. On dit pas qu'un jour on voudra pas, là, mais pour l'instant, là, c'est pas envisagé. Dis-moi, ça va partir où, puis ça va finir où? Ben, le but était de connecter les deux infrastructures touristiques, qui est OK. le Moulin des Pionniers et le Zoo de Saint-Vénitien ensemble. Ça nous donne un tracé de 13 km. Il y en a 4 km du côté de l'Adoré, il y en a 9 km du côté de Saint-Félicien. Donc, c'est avec une passerelle aussi sur la rivière aux Saumons. OK. Dis-moi maintenant si on parlait un peu de. C'est 7 km sur Saint-Félicien et 4 du 9. côté. 9 km, C'est OK. 9, ouais, 9 et 4. OK. Donc, c'est pas mal intéressant. Dis-moi. Puis 2020, est-ce que c'est réalisable? Ben Le. oui, oui, Oui? oui, oui, les travaux vont être lancés. On ne dit pas que ça va être terminé pour 2020, là, mais normalement, les travaux devraient être beaucoup avancés, là. On part en appel d'offres d'ici quelques semaines là, pour pouvoir avoir les devis là, et les soumissions des entrepreneurs. Mois d'août, c'est ça qu'on parlait? Oui, on parle du mois d'août. On ne donne pas d'échéancier, là, étant donné qu'il y a une passerelle à faire, puis faut se rendre à la passerelle. On n'aime autant pas donner d'échéancier, mais à partir du moment que les petites tâches sont commencées, là, après ça va aller vite. OK. Ben Yannick, félicitations pour ton beau projet-là. Et au plaisir de se reparler, ben, peut-être de l'autre tantôt. T'es rendu préfet de la MRC Domaine du Roi, donc tu vas peut-être avoir des projets qui concernent le sport et la MRC bientôt à nous annoncer, peut-être, qui sait? Ah. Très certainement. On va certainement continuer aussi à parler de golf. Ah oui, ben c'est sûr. Ben Yannick Baillargeon, le préfet de la MRC Domaine du Roi et maire de la Dorée.